Et avec moi par téléphone ce soir, un enquêteur paranormal. Bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez tout d'abord présenter votre travail et qui êtes-vous ? Nous sommes une équipe duo de chercheurs dans le domaine du paranormal. Nous provenons de Liège et nous représentons la chaîne YouTube Chasseurs de fantômes paranormal Belgique. Comment est né votre intérêt pour le paranormal, pour la création de votre chaîne YouTube ? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous êtes dit « je vais m'intéresser à tout ça » ? Eh bien, nous sommes intéressés à ce domaine par des expériences vécues aussi bien dans nos connaissances que nous-mêmes. Et nous nous sommes lancés dans l'achat de matériel pour pouvoir analyser, comprendre, enquêter et relativiser surtout sur les phénomènes à titre paranormal. Bien entendu, dans ces activités et dans les analyses, on peut malgré tout relever que, dans 80% des cas, les phénomènes sont expliqués, donc ils ne sont pas paranormaux à ce moment-là. Je reviens sur le matériel, vous en parliez il y a quelques instants. Justement, c'est quoi le matériel dont on a besoin pour réaliser des enquêtes ? Le matériel est assez varié et divers. Ça peut aller du K2 à la Spirit Box, à l'enregistreur numérique. Il y a assez bien de matériel à se procurer pour faire ces analyses. Maintenant, hormis tous ces éléments d'appareil, il y en a un seul qui, pour moi, fait ses preuves lors de nos expériences. C'est l'enregistreur numérique, car lui ne sait pas démentir ce que lui peut capter au niveau audio. Voilà. Et justement, quand une enquête a lieu, comment ça se passe ? C'est les gens qui vous contactent ou c'est vous qui vous intéressez à un sujet et qui allez vers les gens en demandant de vous-même vous intéresser ? Ça se passe comment concrètement ? En réalité, c'est très simple. Nous travaillons d'une manière relativement simple. Nous nous rendons, bien sûr, sur le terrain ou autre exemple de chez les particuliers. Et nous faisons des recherches sur l'historique, le rationnel. Et je le répète, dans 80% des cas, c'est explicable. Maintenant, au besoin, nous faisons à titre complémentaire une première enquête sur le monde de l'invisible avec notre matériel. Voilà. Oui, alors justement... Allez-y. Afin de savoir s'il y a phénomène ou pas. Ouais. Question qu'on nous a beaucoup posée, c'est quoi l'expérience qui vous a, le plus marqué parmi toutes ? Alors, les expériences qui m'ont marqué, c'est rare quand j'en parle. Ici, il y a deux expériences que j'ai vécues dans le passé. Il y en a une bêtement, j'étais un jour soir au restaurant avec ma compagne et des amis à table et j'ai reçu dans la nuque un souffle de vent. On aurait pu mesurer ça à un humain tout simplement qui nous aurait soufflé ou un enfant qui nous aurait soufflé dans le cou. J'étais porté par la chose de me retourner et de voir ce qui était derrière moi et il n'y avait personne. C'est encore quelque chose qui pourrait être explicable, mais moi, j'ai su démontrer par mon expérience que ce jour-là, c'était autre que qu'est-ce qu'on peut penser. Maintenant, la deuxième expérience vécue, ça a été un petit peu plus sombre, plus noir. Et ça, je préférais ne pas en parler pour tout simplement ne pas mettre des idées ou des fausses idées dans la tête de certains, voilà. Oui, justement, en parlant de fausses idées, lorsqu'on s'est contacté, vous m'aviez dit qu'on trouvait énormément de fausses choses sur YouTube et qu'il fallait bien faire attention au contenu qu'on regardait. Mais que pouvez-vous me dire là-dessus ? Oui, bien sûr, il y a, et ça j'aimerais bien faire l'avis au public, de bien prendre garde à ce que l'on regarde sur YouTube. Il y a, sans citer de nom et sans vouloir déblatérer le domaine de chacun, il y a beaucoup de phénomènes qui sont faux. Donc, ce sont, pour ainsi dire, les youtubeurs même qui, en enquête, relativisent à formuler telle ou telle chose. Genre des passements d'objets, des bruits, des voix qui viennent de on ne sait pas trop où. Il y a beaucoup d'expériences vécues sur le net par les youtubeurs qui ne sont pas vraies. Voilà. Oui, autre question qui peut revenir, imaginons demain, je me dis, je commence à m'intéresser au paranormal, c'est un sujet qui me passionne, est-ce que dès demain, je peux commencer à faire des enquêtes, je peux m'y mettre comme vous ? Je vais dire, intervenir dans la vocation d'enquêteur, parce que chasseur de fantômes, je n'aime pas vraiment Bon, ce synonyme est enquêteur de fantômes. Tout le monde pourrait le faire, d'accord, mais avec instruction à la base, car il faut savoir que lorsqu'on démarque quelque part, que ce soit sur le terrain, que ce soit chez un particulier, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Déjà, il faut engendrer la plus grande des politesses avec ce dernier. Maintenant, il faut savoir également que le respect doit être également formulé. On ne peut pas se permettre d'aller chez, on va dire, entre parenthèses, chez un fantôme et lui dire « Bonjour, comment vas-tu? Je suis là, tu veux bien me parler? » C'est exactement la même chose si je venais à rentrer chez vous sans frapper, sans sonner, j'atterris dans votre salon et je vous dis « Marc, comment vas-tu? » C'est exactement la même chose. Ce ne sont pas des choses à faire. Maintenant, danger, oui. Danger, dans certains cas, pourrait y avoir danger. Oui, C'est très, très, très élevé, très démesuré, oui. alors on nous disait en préparant cette émission que des auditeurs avaient vécu des expériences en testant le Ouija. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire comme ça lorsqu'on ne s'y connaît pas? Non, du tout. Il faut représenter le Ouija à une porte, à une fenêtre. Du moment à ce que vous mettiez à table et que vous fassiez n'importe quoi, n'importe comment avec la table de Ouija, c'est comme si vous ouvriez, pardon, vos portes et vos fenêtres à toute intempérie. Vous ne savez jamais ce qui va rentrer chez vous. C'est problématique. Le problème, c'est qu'une fois que c'est rentré chez vous, pour le faire partir, c'est très difficile. Je pourrais également parler des quatre stades de phénomènes qui pourraient se passer chez quelqu'un, mais ça, je ne peux pas en parler également. Il y a les démonologues, ça, je pourrais en parler également. Mais tout ça, c'est un mystère que je préfère garder et au besoin, en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ah Voilà. ben voilà, merci beaucoup. Vous avez répondu à pas mal de nos questions. Ben je rappelle pour les auditeurs qui viennent de se brancher, vous êtes enquêteur paranormal et on peut d'ailleurs vous retrouver sur YouTube. Il n'y a pas forcément beaucoup d'enquêtes parce qu'on a mesuré avec ma compagne de commencer à mettre nos enquêtes qui sont réelles. Je parle réelles. Tout ce que vous verrez sur nos vidéos sont réels. Les bruits, les bruitages, les paroles, les voix que vous entendrez sont réelles. Nous ne voulons pas pratiquer comme certains youtubeurs, je l'expliquais tout à l'heure, qui gonflent la note, qui gonflent ce qu'ils captent. Nous ne voulons pas en arriver là. Donc nous ne faisons jamais que ce qui est réel. Nous sommes très respectueux dans le domaine et je tiens moi-même à être très respectueux envers les personnes qui demain je vais croiser, que ce soit dans la rue ou par phénomène chez eux, auquel je pourrai apporter assistance. Voilà.